La collection Sources chrétiennes a publié aux éditions du Cerf son 500e volume, un traité de Cyprien de Carthage intitulé « L'unité de l'Église ». Je suis heureux d'accueillir ce matin, à foi et tradition des chrétiens orientaux, Jean-Noël Guinaud, directeur de recherche au CNRS et directeur de la collection Sources chrétiennes. Jean-Noël Guinaud, bonjour. Bonjour monsieur. Votre collection a pour objet d'éditer et de faire connaître les écrits des pères de l'Église. Et ces pères de l'Église restent et resteront toujours actuels puisqu'ils transmettent le message de l'Évangile. Oui, on peut dire que c'est là leur grande mission, transmettre et expliquer l'Écriture. Non seulement les évangiles et ce que nous appelons le Nouveau Testament ou le Second Testament, comme on dit aujourd'hui, mais aussi l'ensemble de l'Écriture sainte. Alors, ces pères ont transmis leur message, chacun dans sa langue. Le grec, le syriaque, le latin, l'arménien, le géorgien. Et c'est donc un patrimoine commun à toutes les églises que vous présentez. Un patrimoine commun à toutes les églises est d'autant plus commun que nous nous situons avec les pères de l'Église avant les grandes séparations, avant les grandes divisions. Et en même temps, il y a cet aspect, effectivement, de faire passer le message chrétien dans une langue qui peut être comprise et qui permet justement aux fidèles de recevoir ce message, aux différents peuples de recevoir ce message. Un peu d'historique, si vous voulez bien. L'aventure de Sources chrétiennes a commencé à Lyon en 1942. En 42, c'est la publication du premier volume, fin 42, début 43, on ne sait pas exactement parce que les temps étaient durs, c'était la guerre, on a une carte interzone du père Danielou, mais qui n'est pas très bien datée. En réalité, la collection est née, l'idée de la collection est née auparavant, dans les années 30, au Scholastica des Pères Jésuites de Fourvière, sur la colline de Fourvière, donc, où étaient réunis un certain nombre de jeunes jésuites de l'époque, qui vont être parmi les premiers collaborateurs, autour du père Victor Fontoinon, qui était un éminent helléniste, et qui avait cette idée qu'il fallait faire connaître les pères de l'Église, et d'abord, ce qui était peut-être les moins connus, c'est-à-dire les pères de l'Église grecque, les pères de l'Église orientale, disons. Syriaque. Syriaque aussi, mais enfin, c'était surtout des hellénistes qui étaient rassemblés là, donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et quitte à étendre ensuite la collection justement à ce domaine, que nous cherchons toujours aujourd'hui à étendre pour bien montrer comment on dirait aujourd'hui, cette inculturation du christianisme dans les différentes cultures. Alors, il y a deux noms, je crois, qu'il faut citer. C'est celui d'Henri de Lubac et celui de Jean Danielou. Bien sûr, ce sont Henri de Lubac et Jean Danielou ont été les deux pères fondateurs de la collection. Chacun avec son tempérament très différent, le père de Lubac ayant une grande connaissance des écrits, mais surtout peut-être du côté chrétien, du côté, pardonnez-moi, latin, plus que grec, et Danielou plus tourné vers le grec. Danielou étant aussi en contact avec le monde universitaire, il était agrégé de grammaire, n'est-ce pas, et ainsi il a contribué à intéresser au père de l'Église, toute une série de jeunes universitaires chrétiens dans les groupes qu'il animait. Jean Danielou a souvent participé à Foi et Tradition des chrétiens orientaux. J'imagine. Sur France Culture et sur France 2. Et vraiment, c'était chaque fois une joie de l'écouter. Voilà, c'était un peu un festival pétillant. Tout à fait. Ça a été, un de ses grands charismes. Il savait communiquer sa passion et il a largement contribué à introduire l'étude des pères de l'Église dans le monde universitaire. Parmi les premiers pères que vous avez publiés, Grégoire de Nice, Origène et Clément d'Alexandrie, ce dernier par le père Claude Mondésert, qui pendant près de 40 ans a dirigé la collection. Oui, pendant près de 40 ans, on peut dire que c'est lui qui a fait la collection Sources chrétiennes telle qu'elle est, parce que père Danielou avait de grands talents, le père de Lubac de grandes qualités scientifiques et spirituelles, mais ni l'un ni l'autre n'étaient peut-être les organisateurs qu'il fallait pour faire une collection. Et Mondésert a été cet organisateur, d'autant qu'il était présent dès le début dans le petit cercle des jésuites de Fourvière, et le père Chaillet, qui était lui-même aussi dans ce groupe au départ, mais qui va, étant donné les circonstances, s'orienter vers l'action résistance, non plus la résistance uniquement spirituelle, comme on peut le voir avec les pères de l'Église, mais la résistance active, avec témoignages chrétiens notamment. Chaillet disait, dans les notes qu'il nous a laissées, dès le début, « Mon désert est certainement un de ceux qui seraient utiles à l'entreprise. » Il ne se trompait pas. Je crois que vous avez connu le père Mondésert. J'ai connu le père Mondésert, oui, j'ai collaboré quelques années avec lui. C'est lui, je peux dire, qui m'a introduit aussi dans l'univers des sources chrétiennes, d'abord avec Grégoire de Nazianze, après avec Théodore de Cyr, enfin, etc. Et j'ai été très proche, de, effectivement, à certains moments de mon existence, même personnelle, Claude Mondésert. Alors, il y a encore un nom que j'aimerais citer, c'est celui de d'Henri-Irénée Maroux. Il est indispensable de le citer. Henri-Irénée Maroux, qui a été aussi professeur à Lyon, au moment justement de ces années noires de la guerre, a fait beaucoup pour donner droit de cité, si je puis dire, à la collection sources chrétiennes et aux pères de l'Église dans le monde de l'université. À la Sorbonne. Il était à la Sorbonne. Il avait été à Lyon, puis il est allé à la Sorbonne. Il a été auteur de la collection. C'est à lui qu'on doit la fameuse édition de l'Épître à Diognète. Hein, les chrétiens sont l'âme du monde. Mais Maroux a surtout une double charisme, si je puis dire, celui de dire attention. L'antiquité tardive, ça n'est pas la décadence. Et puis l'antiquité tardive chrétienne, ça existe. Et son Augustin avait marqué, sa rétractatio même sur Augustin a marqué les esprits. Et puis son deuxième apport, ça a été évidemment de faire école, d'avoir des disciples qui, à leur tour, ont parlé des pères de l'Église, ont dirigé des travaux sur les pères de l'Église. Madame Arles, voilà. Notamment. Et Madame Arles, bien sûr, qui écrivait récemment dans son beau livre. Très beau livre. Oui, sur la Bible introduite à la Sorbonne. Voilà. Eh bien, je crois que l'itinéraire même de Marguerite Arles le prouve. La Bible est entrée à la Sorbonne par les pères. Car elle a commencé avec Grégoire de Nice, justement, dans le sillage des travaux qui étaient lancés à ce moment-là. Et ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas été facile toujours, non. On ne peut pas dire non plus que la littérature tardive chrétienne, comme nous disons, soit immédiatement et très largement encore acceptée et reconnue. Elle est reconnue notamment, je crois, par tout le travail qui a été fait depuis plus de 50 ans, puis plus de 60 ans maintenant, par la collection Sources chrétiennes, ce qui fait, par exemple, que chaque année, ou presque, il y a un auteur tardif chrétien au programme des concours nationaux. Alors cette année, ce n'est pas un livre de sources chrétiennes, mais c'est un Ambroise de Milan, publié dans la collection des universités de France, la collection Budet, le Deophikis d'Ambroise. Bon, cette année, nous avions Eusèbe de Césarée, l'histoire ecclésiastique. Alors ce 500e volume n'est qu'une étape, et la tâche qui vous reste à accomplir me semble immense. Oui, il est bien évident qu'on pourrait croire qu'avec 500 volumes, ma foi, ça pourrait suffire. Mais en réalité, il n'en est rien. Dans ces 500 volumes, donc, il y a deux grandes masses, on peut dire les auteurs grecs et les auteurs latins. Une troisième série, plus réduite encore, mais qu'on voudrait étendre, qui est la série des pères orientaux, syriaques, arméniens, géorgiens, etc. Il y a des projets, notamment, et puis il y a des choses concrètes aussi qui se réalisent, notamment autour d'Ephrem de Nisib. Cette année, vient de publier les hymnes pascal des Il était temps. Voilà, c'est un des plus grands pères de l'Église. Et voilà, un des grands poètes aussi. Oui, et alors, Narsaï également. Également. Et cette année, il y a un colloque Ephrem à Ligugé. Donc, on voit qu'il y a tout. Et puis, nous avons aussi à Sources chrétiennes un séminaire d'enseignement du syriaque à trois niveaux. Enfin, voilà. Tant mieux, on avance. Et je vais dire aussi, on a quelques textes que nous voudrions publier qui sont en langue arabe. Je crois que ça serait aussi important de ne pas oublier les chrétiens arabes. Mais ils ont joué un rôle immense. Voilà. Et puis aussi, surtout à notre époque, pour qu'on ne confonde pas immédiatement langue arabe et musulman. Voilà. Donc, il est certain que sans les chrétiens arabe ou arabisé, la civilisation islamique n'aurait pas eu l'éclat qu'elle a eu à une certaine époque. Oui, évidemment. C'est grâce aux traductions. Aux administrateurs aussi. Enfin, tout ce qu'il y avait que les conquérants arabes ont laissé en place. Jean Damascène, du reste, par son père, en est un bel exemple. Et c'est, je crois, le premier témoignage que nous avons sur l'islam. Nous avons publié ce petit écrit. Pour lui, évidemment, c'est la centième hérésie, puisqu'on aimait les centuries. Son écrit sur l'islam est intéressant, j'allais dire, même pour ceux qui étudient l'islam et le Coran, parce qu'il semble avoir eu une connaissance du Coran antérieure à sa mise par écrit. C'est-à-dire que ces chrétiens connaissaient l'arabe, forcément, puisqu'ils vivaient... Ils ont été obligés de l'apprendre. Mais ils connaissaient avant le grec, le syriaque, parfois l'araméen... Exactement, oui. Je vois l'auteur dont je me suis un peu occupé, Théodore de Cyre, au 5e siècle, est quelqu'un dont la langue maternelle est le syriaque. Oui. Et puis il a appris le grec. Et sa langue de culture, c'est le grec, parce que la langue de culture de l'époque, la langue de communication, c'est le grec. Mais il a une double culture, comme bien d'autres. Alors, quels sont aujourd'hui les collaborateurs de Sources chrétiennes ? Alors, aujourd'hui, disons que les choses ont évolué depuis les origines, depuis les années 40, où les collaborateurs étaient essentiellement des clercs et des religieux. Puis, on n'a pas évoqué le nom d'Henri et René Maroux, le nom de Danielou, bien sûr, et de Lubac. Et il y a eu progressivement des collaborateurs laïcs chrétiens, catholiques, réformés, orthodoxes, etc. Aujourd'hui, étant donné les évolutions qui se sont produites et l'espèce de sécularisation, on pourrait dire, les collaborateurs sont majoritairement des laïcs universitaires, enseignants ou chercheurs, et je veux dire français ou étrangers. Nous avons de nombreuses collaborations étrangères, notamment avec l'Italie, l'Allemagne. Alors, c'est justement le cas de ce 500e volume, Cyprien de Carthage, l'unité de l'Église. C'est une méditation passionnée à la fois sur les épreuves de l'Église et sur l'exigence vitale de l'unité de l'Église. Ouais, c'est la méditation d'un pasteur, c'est la réaction aussi d'un pasteur, même si ce petit traité, parce que c'est un petit traité, mais qui a une grande importance, je crois aujourd'hui, qu'on redécouvre grâce à ce volume et à sa présentation, c'est l'évêque de Carthage, dans les années 250 de notre ère, après, juste au moment où s'achève la grande persécution de Dèce, et cet évêque réfléchit, qui a une communauté qui se déchire ou qui s'est déchirée, veut reconstruire l'unité, et il donne pour cela un certain nombre de repères. Et je crois que le grand repère qu'il donne, c'est de faire l'unité en Jésus-Christ. Une des grandes questions qui agitait son époque, c'était le cas des lapsis, ceux qui avaient renoncé à leur renier leur foi, justement à la suite de la persécution de Dèce. À la suite de la persécution de Dèce, effectivement, beaucoup, y compris quelquefois des dignitaires, des évêques, avaient renié la foi. On peut comprendre devant l'épreuve que l'homme reste un homme. Cyprien, lui, avait choisi l'exil, un exil volontaire pour échapper à la persécution, pensant qu'il était de son devoir de continuer à diriger la communauté, de préserver, c'est-à-dire la vie de cette communauté. Mais cela a quand même fragilisé. Alors ça l'a fragilisé. Oui. Et certains, évidemment, qui avaient peut-être vu de mauvais œil son élection comme évêque par la Vox Populi. Et très rapide. Et très rapide. Et peut-être au sein même du clergé, certains auraient voulu peut-être trouver quelqu'un qui sorte de leur rang, s'est vu reprocher d'avoir fui en quelque sorte la persécution et d'adopter à son retour une attitude de fermeté à l'égard de ceux de l'Église de Carthage qui voulaient réconcilier un peu trop facilement, un peu trop vite, pour diverses raisons, les lapsis. C'était essentiellement Felicissimus. C'est ça. Son voilà. Adversaire. On connaît au moins le nom et l'action de cet homme-là. Donc c'était un petit schisme, dirions-nous, ouais. interne à l'Église de Carthage. Et puis là-dessus, s'est greffé un autre schisme qui concernait Rome, où l'élection du pape Corneille a été également contestée un temps par Novatien, n'est-ce pas, qui s'est fait élire antipape, si on oui. pourrait dire. Voilà. Et avec des raisons tout à fait inverses, puisque Novatien, lui, était extrêmement rigoriste. Il ne voulait pas réconcilier les lapsi, alors que Felicissimus, lui, était au contraire très laxiste. Donc, deux situations différentes dans l'origine du schisme, mais qui aboutissaient à une déchirure. Et c'est cette déchirure que Cyprien juge insupportable, car c'est évidemment porter atteinte à ce qu'il appelle, ce que nous appelons aussi l'Église indivise, à ce qu'il... exprime, lui, par l'image, notamment, qui est très belle dans son traité, de cette tunique du Christ qu'on ne saurait déchirer. Il revient sur cette idée. Il a une très belle, belle idée. On ne peut rien faire. J'allais dire, on ne peut, et il le dit explicitement, on ne peut pas être martyr, même, on ne peut pas confesser la foi par le martyr, si on n'est pas dans l'Église. Il faut vraiment appartenir à l'Église. On ne peut pas... prétendre avoir, c'est une autre de ces formules, prétendre avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. Oui. Voilà. Et il a d'autres images qu'il emprunte aussi à la grande tradition biblique, notamment celle de la colombe unique du Cantique des Cantiques. Exactement. Oui, tout ça, c'est... C'est toujours l'unité. Il y a toujours l'unité. C'est des images aussi très simples parfois, celle du ruisseau qui ne peut pas être coupé de sa source. Oui. De l'arbre des branches, voilà, dont on ne peut pas couper les branches. Ouais. Et pour lui, justement, toutes ces branches, et ça nous ramène à ce thème de l'unité, toutes ces branches sont aussi l'image de toutes les églises qui ont chacune leur existence propre, mais qui sont toutes reliées sur un unique tronc, Jésus-Christ. L'Église et le mystère de l'Église et le mystère de Jésus-Christ, au fond, se confondent pour Cyprien. Oui. Et la charité du Christ est un des thèmes qu'il... On peut citer un très beau texte de lui pour donner quand même une idée aux auditeurs. Et je vous laisse le faire. Bon, je vous en prie. Non, en réalité, c'est l'apôtre Paul qu'il cite. Il les cite en ces termes. Même si j'ai une foi capable de transporter les montagnes, mais sans avoir la charité, je ne suis rien. Même si je distribue tous mes biens pour donner à manger aux gens, même si je livre mon corps aux flammes, mais sans avoir la charité, cela ne me sert à rien. Voilà, oui, et bien évidemment, on voit bien là comment toute la pensée des pères repose et s'inscrit dans l'Écriture. On part de l'Écriture, on revient à l'Écriture, c'est pourquoi ce texte, comme disons tous les textes, pratiquement tous les textes des pères de l'Église, sont nourris de l'Écriture, au point que leur écriture, leur style, j'allais dire, et leur manière d'écrire, se mêle intimement avec le donné biblique, le donné scripturaire. Alors tout à l'heure, vous parliez de la tunique du Christ. Et j'aimerais bien aussi lire ce passage, voilà. À moins que vous ne le fassiez vous-même. Je peux le faire aussi. Ouais. Donc je dois l'avoir noté, même en pensant que c'était un texte que nous pourrions lire. Ce mystère de l'unité, dit-il, ce lien d'une concorde à la cohésion infrangible se trouve manifesté lorsque dans l'Évangile, la tunique du Seigneur Jésus-Christ n'est pas le moins du monde partagée ni déchirée, mais qu'un tirage au sort de son vêtement décide de qui doit, de préférence, revêtir le Christ, en sorte que le bénéficiaire reçoit cet habit intact et possède la tunique sans qu'elle ait été endommagée. Et il continue, le Christ porter sur lui l'unité qui vient du haut, c'est-à-dire du ciel et du Père, absolument indéchirable, etc. Et il revient longuement et d'une manière très belle sur cette image de la tunique. Et au terme de son développement, on pourrait lire encore ce petit passage. « Indivise en un seul morceau et d'une seule venue, La tunique manifeste la concorde qui tient uni le peuple que nous formons, nous qui avons revêtu le Christ. Par le mystère et le signe de son vêtement, il a mis en lumière l'unité de l'Église. Et au fond, ce qu'il veut nous dire, c'est que par-delà tout ce qui serait discipline ecclésiastique, comme nous dirions aujourd'hui, l'important pour le chrétien, pour vivre en Église, c'est vraiment de revêtir le Christ, de devenir Christ, d'une certaine manière. Autre thème qu'aborde Cyprien de Carthage, c'est le rôle de l'évêque. Et pour lui, c'est l'évêque qui défend et garantit l'unité de l'Église. Oui, l'évêque est le garant de l'unité de l'Église, mais plus encore, si vous voulez, que la communion entre les évêques, c'est se retrouver dans celui qui sera en quelque sorte, j'ose l'expression, ce n'est pas de Cyprien, l'évêque des évêques, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Et effectivement, on peut dire, même si on a utilisé la formule de manière bien différente, hors de l'Église, pas de salut. Et hors de l'Église, dirigé par l'évêque qui est là le successeur des apôtres. Pour lui, l'évêque doit lutter et il doit même souffrir pour l'Église. C'est une de ses idées forces. C'est une de ses idées forces et une idée que reprend dans la belle préface qu'il a écrite pour ce volume, Monseigneur Claude d'Agens, l'évêque qui souffre pour l'Église et qui quelquefois aussi souffre par l'Église. Et ça a été également le cas de Cyprien. Il a fini martyr, d'ailleurs. Voilà, il a fini martyr, peut-être pas à cause de ses frères chrétiens, mais je veux dire, il a souffert dans l'Église, au sein même de cette Église de Carthage. On parlait du schisme, pour lui, ça a été véritablement, au sens propre, une déchirure. Voilà ce qu'il dit. Il faut qu'il y ait des dissidences pour que parmi vous, on voit bien ceux qui ont surmonté l'épreuve. Oui. C'est pas... Il faut que l'évêque souffre. Et puis, je pense que aussi derrière tout ça, la présence des dissidences est une invitation à faire l'unité. Ouais. La séparation ou les différences sont une invitation à l'unité. Et c'est le titre de l'ouvrage, nous avons simplifié sur la couverture, c'est l'unité de l'Église catholique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire l'unité de l'Église universelle. Il s'attaque aussi aux confesseurs. Les confesseurs, ce sont ceux qui ont subi le martyr, mais qui ne sont pas morts, oui. et qui, souvent, ensuite, se laissent aller à une vie de débauche ou de plaisir. Oui, et puis ce qui peut-être aussi entendent jouer dans l'Église un rôle qui n'est pas le leur. Mmh. Et c'est pourquoi il le rappelle dans tous ces chapitres où il développe le thème à partir des chapitres 14 du traité. La même idée que celle qu'il développe à l'égard du martyr. On ne peut pas être martyr, on ne peut pas être confesseur si on n'a pas gardé la charité qui unit les frères. C'est exactement. On ne peut se prétendre martyr si on n'a pas gardé la charité qui unit les frères. Et voilà. Alors, bien entendu, il y a tout le problème de l'Église locale, de l'Église universelle, des relations entre l'évêque de Rome et les évêques locaux, mais je crois que nous n'aurons pas le temps. Oui, et puis le traité de Cyprien n'est pas un traité d'ecclésiologie universelle. Voilà. J'ajoute que dans 3 jours, le mercredi 8 novembre, aura lieu au Centre Sèvres à Paris une soirée source chrétienne animée par Paul Mattei et le père Cesboué. Alors, je rappelle le titre du 500e volume de la collection Source chrétienne, publié par les éditions du Cerf, Cyprien de Carthage, l'unité de l'Église. Jean-Noël Guinaud, je vous remercie, comme je remercie Véronique Samoulioff et Fabien Capelle qui ont réalisé cette émission de Foi et Tradition des chrétiens orientaux. Merci.